إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأول حول كتاب الشيخ العلامة محدث جنوب السعودية حفظه الله تعالى الشيخ أحمد بن حياء بن محمد النجمي، والكتاب عنوانه المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وقرر هذا الكتاب العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وكذلك العلامة الشيخ ربيع بن هادي بن عمر المدخلي، وأشرف على طبع هذا الكتاب وراجعه وعلق عليه أحد تلامذة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى، وهو الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظ الله الجميع وأطال عمرهم في طاعة الله عز وجل ونفعنا بعلمهم. Donc c'est notre première rencontre autour de ce livre d'une éminence qui est Cheikh Mouhaddid du sud de l'Arabie Saoudite et le Mufti du sud de l'Arabie Saoudite qui est Cheikh Ahmed بن إحياء بن محمد النجمي حفظه الله. Ce livre, le titre, sa traduction approximative, c'est ça. La source douce et abondante dans les critiques sur certaines voies de la da'wa, sur certaines voies de la da'wa et sur certaines croyances et sur certains actes. Donc, et le livre, il a reçu l'éloge du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui est une éminence et qui fait partie du groupe d'Al-Ifta. Et il a reçu l'éloge aussi du Cheikh, de l'Allama Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, celui qui porte l'étendard de l'éloge et de la réfutation. Et le livre a été révisé, et il y a eu des commentaires, sur ce livre de la part de l'un des élèves qui est un savant aussi d'Al Manhaj Salafi, l'un des élèves de Cheikh Ahmed Najmi hafidhahullah ta'ala, qui est Mohamed bin Hadi bin Ali al-Madkhali hafidhahullah al-Jami'. فهذا الكتاب كتاب نقد، والنقد منهج شرعي، وهذا سيتبين لنا من خلال دراسة الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب رحمة الله عليه وبتعليق الشيخ السحيمي، ودراسة ثانية لنفس هذه الرسالة التي هي النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، من خلال ما علقه الشيخ ربيع في رسالة بعنوان النقد منهج شرعي. فالرد على المخالف هذا من أصول الإسلام. Donc, ce livre, c'est un livre de critique. C'est une critique sur les formes d'Yel Dawa qui est sur la place. Sur des croyances, sur des actes qui sont en controverse, ou là en contradiction avec la Sunna et avec la voie de nos plusieurs, d'Allah alayhi. Et, parallèlement à ce livre, nous allons étudier une petite risala qui est petite dans le contenu, mais énorme dans la signification. Qui est une risala dont le titre est la différence entre le conseil et l'injure. Cette risala a été écrite par l'un des élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, qui est Ibn Rajab. C'est un grand muhaddith aussi. Un grand hafid. Hein? Et cette risala, nous allons l'étudier à la lumière des commentaires de Cheikh Suhaimi Hafidhahullah ta'ala. Et un deuxième commentaire de cette risala, nous allons passer dessus aussi, de Cheikh Rabi', qui l'a intitulé hein, « La critique est une voie de la législation ». Par delà, il nous apparaît clairement que le fait de refuter, de critiquer ce qui est en divergence avec la sunna et avec la voie du plus des aïeuls, fait partie du fondement de l'islam. Fahad al-kitab, fil manhaj salafi, wa fil manhaj al-mukhalifati li hadha al-manhaj. الكتاب كما قلنا هو للشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى واعتنى به الشيخ محمد بن هادي المدخلي العالم السلفي المدرس بالجامعة الإسلامية وعلق على الكتاب وكتب ترجمة لشيخه حفظه الله تعالى. Donc ce livre c'est un livre qui va nous éclairer sur la voie de nos plusieurs doigts Allah alayhim et qui va nous montrer aussi les voies qui sont en divergence avec cette voie de nos puseurs d'Allah alayhi. Le livre que nous avons dit, c'est, il est de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, qui est une éminence dans la science. Que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qu'il nous fasse profiter de sa science, qu'il allonge sa vie dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Il s'est occupé de ce livre, comme nous l'avons dit, Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, qui est l'un des élèves de Cheikh Yahya, Cheikh Ahmed, et qui est aussi un savant de cette voie, de la voie de nos plus ardoualaïm, et qui enseigne à l'université de Médine. Plus les commentaires qu'il a émis sur ce livre, il a aussi fait une biographie à son cheikh. Faba'da yaqulu Cheikh Mohammed ibn Hadi, hafidhahullah ta'ala, في باب عنوان له ترجمة الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي يقول بعد المقدمة أما بعد فإن للعلماء علينا من الحقوق ما بتركه يتم العقوق. Il dit les savants ont des droits sur nous, si on les laisse devient désobéissant. Les savants ont des droits sur nous, si on les laisse on devient désobéissant. C'est pour ça, Inch'Allah, on trouvera l'occasion pour placer l'un des cours de Cheikh Abu Islam, le lion du Manbar Kumla, désigné Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, sur les droits des savants. Wa yaqulu hafidhahullah ta'ala wa min ri'ayatiha dhabtu ahwalihim ash-sharifa wa tadwinu manaqibihim al-munifa wa takhlidu mahasinin fi butun al-awraq والمحافظة على حفظ نتائج أفكارهم التي هي من أنفس الأعلاق ومن ذلك تعظيمهم باللسان والجنان والأركان وعدم التعرض لما يؤذيهم بالدخول في أعراضهم الجميلة والاستهانة بمناقبهم الجزيلة الجليلة والتقعد لهم بمراصد الاستخفاف والتنصب لهم بمنصة الخلاف والمراد على حفظ نتائجهم نتائج أفكارهم أي نتاجهم العلمي ثمرتهم العلمية أن تحفظ التي أتعبوا أنفسهم فيها واجتهدوا عليها وتعبوا فيها يجب أن تحفظ لأنها تعبوا فيها وكتبوا لكي تخرج إلينا فيجب أن نعتني بها. Donc et fait partie de ces droits qu'il faut préserver à nos savants, c'est le fait de s'occuper de leur situation, d'écrire toutes choses qui concernent leur situation et leur vertu, de les marquer et de faire en sorte que leur biographie, leurs bonnes œuvres et toutes les bonnes choses et tous les points essentiels de leur vie, qu'ils soient quelque part, qu'ils soient tracés quelque part, qu'ils soient écrits quelque part, et aussi de préserver les œuvres qu'ils ont faites, c'est-à-dire le résultat de leur travail, le résultat de leur enseignement, le résultat de leurs écrits, il faut le préserver. Parce que ça, c'est très intéressant. Parce que c'est l'héritage du messager, alayhi salam. Il faut leur donner la place qu'il aurait dû, en parlant d'eux, faisant leurs éloges, et dans nos cœurs, et avec notre langue. Il ne faut pas les dénigrer, ni parler au mal sur eux, ni médiser sur leur dos. Il ne faut pas les rabaisser. Il ne faut pas être au coin, attendre une erreur, ou là une faille, etc. Ou là, il ne faut pas se mettre un opposant à eux. Il ne faut pas prendre la place de l'opposant aux hommes de science. وقد ورد في الآيات الفرقانية والأحاديث النبوية والآثار المصطفوية ما يقتضي النهي عن ذلك وتتخطى بمن عمل به أيمن المسالك. Donc dans la sunna de notre prophète, dans la parole d'Allah Azza wa Jal déjà, et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, tout ce que nous avons comme héritage de nos puissants d'Allah alayhim, il est cité qu'il faut donner la place qui est due aux hommes de science. Il faut reconnaître leur valeur. فَوَمِمَّنْ يَقُولُ الشَّيْخ مُحَمَّدُ بْنُ هَادِي حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِمَّنْ لَهُ عَلَيْنَا هَذَا الْحَقُّ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى النَّجْمِي حَفِظَهُ اللَّهُ فَقَدْ انْتَفَعْنَا بِعِلْمِهِ كَثِيرًا فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ. Il dit حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْخ مُحَمَّدُ بْنُ هَادِي الْمَدْخَلِي, il dit: et parmi ceux qui ont un droit sur nous, l'éminent Cheikh Ahmed ibn Ihya Najmi Hafidhahullah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons profité de sa science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense comme il se doit. Wa yaqulu Hafidhahullah, wa qad kathura at-talabu min al-ikhwati al-muhibbin lil-Sheikh fi kitabati nubdhatin wa law mukhtasara 'anhu wa 'an hayatihi ad-dhatiyyah wal-'ilmiyyah wa lahu 'alayya fi dhalika ghayat al-ilhah. وأنا أتهرب من ذلك وأعتذر دائما إليهم لعلمي بالعجز والقصور لدي, ولكن كل ذلك لم يفيد شيئا ولم يعذرني منهم أحد ولم يعذرني منهم أحد. فلما رأيت ذلك منهم استعنت بالله تعالى وحده في كتابة هذه النبذة المختصرة عن شيخنا حفظه الله تعالى. Il a dit, il y a beaucoup de ceux qui aiment Cheikh, c'est qu'on a dit, pour écrire cette biographie là, il ne voulait pas l'écrire. Parce qu'il se sentait, dit, qui je suis moi pour écrire sur Cheikh Mohammed bin Hadi al-Mutri. Donc, et comme il y a eu beaucoup de gens qui ont insisté parmi les gens qui aiment Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, qu'ils ont tellement insisté, et ça c'est la voix de nos plus heureux dans Allah, ils n'écrivent pas pour écrire tant qu'on on met pas la pression sur eux. Il a dit, chaque fois, j'esquive, etc. Parce que je sais qu'on n'est pas, je n'ai pas la science, et ça fait partie de la modestie du Cheikh Mohammed ibn Hadi, hafidhahullah ta'ala. Il a dit tout ça, toutes ces excuses n'ont rien servi, n'ont pas servi. Donc il a vu que je suis comme, c'est ainsi, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal tout seul, et j'ai écrit ce résumé sur la vie de notre Cheikh, hafidhahullah ta'ala. Fa'aqoul, ayyakoul le Cheikh Mohammed, حفظه الله تعالى, اسمه ونسبه هو شيخنا الفاضل العلامة المحدث المسند الفقيه مفتي منطقة جازان حاليا وحامل راية السنة والحديث وراية السنة والحديث فيها, الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي آل شبير من بني حماد إحدى القبائل المشهورة بمنطقة جازان. يلدي حفظه الله تعالى, le nom de notre éminence et de notre cheikh, c'est le nom de l'éminence et du muhaddith, de celui qui a et qui donne les chaînes de transmission, qui a la transmission, qui a les chaînes de transmission et qui la donne en même temps, le jurisconsulte, le mufti de la région du Jazan actuellement, c'est-à-dire le sud d'Arabie, et celui qui porte l'étendard de la sunna et du hadith dans le sud de l'Arabie. Il dit, il s'appelle Ahmed, fils de Yahya, fils de Muhammad, fils de Shubayr, al-Najmi. Al-Shubayr, min Bani Hummad. La famille d'Al-Shubayr fait partie de Bani Hummad. c'est une des tribus qui est très connue là-bas dans le sud et dans la région du Jazan. ويقول حفظه الله تعالى ولادته ولد الشيخ حفظه الله بقرية النجامية في 22 من شهر شوال عام 46 و300 للهجرة النبوية 22 في الشهر العاشر من السنة 1342 للهجرة ونشأ ونحن الآن في سنة 1428 ونشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه. Il dit, notre cheikh unique, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans la, le village de Njamia, le 22 du mois 10 de l'année de l'Hijr 1342. Et on est en 1426. Hein, et on est en 1428. Et il a grandi sous la protection de parents vertueux. Il n'avait d'autre enfant que lui, ça veut dire que c'est un enfant unique. ولهذا فانظر الآباء الصالحين الأبوين الصالحين ولهذا فقد نذر به لله ألا يكلفانه شيئا من أعمال الدنيا وقد حقق الله ما أراد. C'est pour ça, moi ils ont pris sur eux de vous et cet enfant pour Allah Azza wa Jal et de ne rien lui imposer des choses de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a accompli leur vœu. فكان فكان محافظين عليه محافظة تامة حتى إنهما لا يتركانه يلعب بين الأولاد. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاتيب القرية فتعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن في الكتاتيب الأهلية قبل مجيء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى 3 مرات حفظ القرآن آخرها في سنة 1358 وهي السنة التي قدم فيها الشيخ القرعاوي إلى جنوب المملكة العربية السعودية. Donc ses parents le préservaient. Préservé complètement, à tel point qu'il ne laisse pas jouer avec les enfants de son âge. Et quand il est arrivé à l'âge de faire la part des choses, ils l'ont rentré dans le katatib, ce sont des endroits où on apprend l'écriture, on apprend l'alphabet, on apprend l'écriture, et on commence à apprendre un peu le Coran. Et il a lu le Coran avant l'arrivée d'Yel Sheikh Abdallah Al-Qarawi, rahimahullah, dont à Samta et dans la région du sud là où il est. Il a lu le Coran, il a mémorisé le Coran 3 fois. La dernière année, c'est en 1358. Hein? 1346, il est né. 1358, il a fait 3 fois le tour du Coran par la mémorisation. Hein? La science ne vient pas du vide. Elle vient du sacrifice et de des parents préservent leurs enfants, etc., etc. Regarde-toi maintenant qu'il y a des enfants. Quelle éducation tu veux à tes enfants et qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants? Parce que maintenant, on se retrouve dans un milieu où maintenant, ouais, mais les enfants, ils ont trop d'exercices. Ils ont trop de ceci. Ah, comment je vais faire? Subhanallah. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى حيث قرأ القرآن أولا على الشيخ عبد بن محمد عقيل النجمي عام 1355. هذه القراءة الأولى. ثم قرأ أيضا على الشيخ يحيى فقيه عبسي وهو من أهل اليمن وكان قد قدم على النجامية وبقي بها ودرس عليه شيخنا في عام سنة 1358 للهجرة. ولما قدم الشيخ عبد الله القرعاوي حصلت بينه وبين هذا المعلم مناظرة في مسألة الاستواء، وكان أشعريا فهزم وهرب على إثر ذلك. ويقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي أتى بهذه الآية في آخر هذه المقطع وقال: وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويدي حفظه الله تعالى إلى للقرآن la première fois sur Cheikh Abdou bin Mohamed Aqil Najmi, la première fois en 1355 de l'Hijr. Après, il l'a lu sur Yahya Faqih ibn Absi, et ce Yahya, cet enseignant, est yémanite. Il est venu à Njamia, et il est resté là-bas à enseigner. Et Cheikh Ahmed a étudié chez lui, au long 1358. Mais quand Cheikh Abdallah Al-Qarawi est arrivé en 58, en 1358, il y a eu un débat entre lui et cet enseignant yamanite. Cet enseignant yamanite, il avait les croyances d'Al Asha'ira. Donc, il a été vaincu. Il s'est sauvé de la région. Hein? Il s'est sauvé une fois que, ce débat, la vérité qu'il y avait avec Cheikh Abdallah Al-Qarawi après le dessus, notre enseignant yamanite s'est sauvé de la région. Fa yaqulu al-shaykh nash'atu al-'ilmiyya ay nash'atu al-shaykh Ahmed al-'ilmiyya wa ba'da ma haraba mudarrisuhum al-ash'ari taraddada al-shaykh ma'a 'ammayhi al-shaykh Hasan ibn Muhammad wa al-shaykh Hussein ibn Muhammad al-Najmiyyin 'ala al-shaykh 'Abdullah al-Qarawi fi madinati Samt ayyaman walakinahu lam yastamir. وكان ذلك في عام 1359 للهجرة، وفي عام 1360، وفي شهر صفر بالتحديد، وفي شهر صفر بالتحديد التحق شيخنا أي الشيخ أحمد بن يحيى بالمدرسة أحمد بن يحيى النجمي بالمدرسة السلفية، وقرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله على الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله تعالى، حيث قرأ عليه القرآن مجودا وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاثة الأصول والأربعين النووية والحساب وأتقن تعلم الخط، وهذا في سنة 1360. حيد منا 1346 شحال وعمره 14 سنة. تحفة الأطفال، هداية المستفيد، الأصول الثلاثة، الأربعون النووية، الحساب، وأتقن وتفنن في خط الكتاب في الخط. ها maintenant posons-nous la question, nous, à 30 ans et à 24 ans, où sont les 40 nawawi? Là où il est Tuhfat al-Atfal, là où il est le troisième tombe de Médine, il est où? Hein? Et maintenant, l'éducation, la science, l'apprentissage de Cheikh Ahmed ibn Yahya, hafidhahullah ta'ala. Cheikh Mohamed nous dit, après que son enseignant Ash'arit s'est sauvé, Cheikh Ahmed, avec ses deux oncles, Cheikh Hassan bin Mohamed ou Cheikh Hussein bin Mohamed Najmiyyin, il allait avec eux au cours de Cheikh Abdallah al-Qarawi, à la ville de Samta, un certain nombre de jours. Mais il n'a pas continué. Et en l'an 1300... Et ceci a été pendant l'année 1359 de l'Hijr. Et en l'an 1360, et plus exactement au mois de Safar, Cheikh, il a rejoint l'école salafite de la région et il a lu le Coran. Et cette fois-ci, par l'ordre de Cheikh Abdallah Al-Qarawi, il l'a lu avec Tajwid. Il l'a lu sur Cheikh Ali, Cheikh Uthman ibn Uthman Hamali, rahimahullah. Et il l'a lu sur lui il est cette troisième fois avec Tajwid directement. Et il a mémorisé Tuhfat al-Atfal, qui est un matn sur les règles de la lecture du Coran. Aussi, Hidayat al-Mustafid, la guidée de celui qui veut prendre, qui veut profiter, la Hidayat al-Mustafid, et les trois principes fondamentaux, ainsi que les 40 Nawawi, ainsi que le calcul. Et il a parfait l'art de l'écriture. Et ceci en quelle année ? 1360. Déduit là de 1346, on se retrouve qu'il avait 14 ans. Il a déjà Tuhfat al-Atfal, le Coran trois fois, et c'est troisième fois avec Tajwid, plus Tuhfat al-Atfal, plus le 40 Nawawi, plus le calcul, plus parfaire l'écriture. Hein? Maintenant, on fait l'analogie avec nous-mêmes. À 30 ans, où sont les 40 Nawawi? À 30 ans, où il est tout simplement le troisième temple de Médine, pour une grande partie de nous. Hein? Faut se poser la question. La science et Ada ne vient pas du vide. Il faut un travail. Il faut s'acharner à la, à l'apprentissage. وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشيخ فيها إلى أن يتفرق الطلبة الصغار بعد صلاة الظهر ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى التي يتولى الشيخ عبد الله القرعاوي تدريسها بنفسه فيجلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء ثم يعود مع عميه المبكورين سابقا إلى قريته النجامية. Il s'assied au cercle de l'enseignement que lui a désigné Cheikh Abdallah Al-Qarawi avec les petits de son âge. Et quand les petits de son âge partent après la prière d'Al-Dohr, il rejoint l'assise des grands avec ses deux oncles. Et il reste avec eux jusqu'à la prière d'Al-Isha. Ils sont venus de loin, hein. Du Jazin à Samta, ils sont venus de loin. Ils sont pas dans, ça se passe pas dans leur village. Hein? Et donc, il s'assied à cette assise où enseignait Cheikh Abdallah Al-Qarawi, rahimahullah ta'ala, de Salat al-Dhuhr jusqu'à la prière d'Al-Isha. Il te l'envoie pour l'apprentissage de la langue arabe une demi-heure, une heure et demie, le samedi, la dimanche, ça y est. Peut-être que la femme a l'intérêt, mais l'enfant, il est fatigué, mais il faut qu'il aille. Hein? Et après, le soir, ils retournaient chez eux. Hein, ils refaisaient là la distance. Le matin et le soir. Aller-retour. وبعد أربعة أشهر أذن له الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله مع صغر سنه أن ينضم إلى هذه الحلقة حلقة الكبار التي يدرسها الشيخ بنفسه فقرأ على الشيخ فيها الرحبية في الفرائض والآج الرومية في النحو وكتاب التوحيد وبلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر ومختصرات في السيرة وتصريف الغزي والعوامل في النحو مئة والورقات في وصول الفقه والعقيدة الطحاوية وعليكم السلام ورحمة الله والعقيدة الطحاوية بشرح الشيخ عبد الله القرعاوي قبل أن يروا شرح ابن أبي العز عليها ودرس أيضا شيئا من الألفية لابن مالك والدلال البهية مع شرحها الدراري المضية في الفقه وكلاهما للشوكاني رحمه الله تعالى وغير ذلك من الكتب سواء منها ما درسوه كمادة مقررة كالكتب السابقة أو ما درسوه على سبيل التثقف لبعض الرسائل والكتب الصغيرة أو كانوا يرجعون إليه عند البحث كنيل الأوطار وزاد المعاد ونور اليقين والموطأ والأمهات. Autoriser le jeune Ahmed Yahya Cheikh Abdallah Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, autoriser Cheikh Ahmed ibn Yahya Al-Najmi à rejoindre l'assise où Cheikh enseigne directement au grand. Il a étudié sur Cheikh Abdallah Al-Qarawi Al-Rahbiya, qui est un épître sur l'héritage. A étudié l'âge roumien, qui est la base des règles de grammaire. Hein? Il a étudié sur lui aussi le livre du monothéisme de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, Bulugh al-Maram, plus de 1900 et quelques hadiths dans la législation, dans l'Ahkam. Il a étudié le Bayquniya, qui est un épître sur, hein, qui est la base de la terminologie du hadith et des sciences du hadith. Il a étudié aussi Nukhbat al-Fikar, qui est un degré supérieur que le Bayquniya, ainsi que l'interprétation de Nukhbat al-Fikar, qui est Nuzhat al-Nadar. Il a étudié chez Cheikh Abdullah al-Qara'i certains résumés sur la biographie du prophète alayhi salam. Il a étudié avec lui des livres qui concernent la conjugaison et des livres et d'autres livres qui concernent la grammaire et des livres qui concernent les fondements de la compréhension qui est usul al-fiqh. Il a étudié avec lui aussi l'aqida al-tahawiyya avec l'interprétation de Cheikh Abdullah al-Qara'i avant qu'ils aient entre leurs mains le livre, l'interprétation d'Yal, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Et il a étudié, c'est son cheikh, ce cheikh Abdullah al-Bukhari, une certaine partie d'Yal al-Fiyal ibn Malik, qui est plus de 1000 vers au niveau de la grammaire. Il a étudié avec lui aussi Dur al-Bahiyya, avec son interprétation d'Dalal al-Madiya, dont la jurisprudence, qui est un livre, que ce soit le matn, ou ce soit son commentaire, ils sont tous les deux à l'imam Shoukani rahmatullahi alayh, et d'autres livres qu'ils ont étudiés au niveau du programme, et d'autres livres, ils les ont eu à côté comme référence, et comme des supports pour leur culture générale, etc. Et parmi ces livres, ils lisaient, ils faisaient des recherches de Neil Autar, qui est, si tu veux, Bulugh al-Maram, c'est le deuxième degré. Le premier degré au niveau des livres du hadith, au niveau de l'ahkam, de la législation et du fiqh, bah, tu as Umdat al-Ahkam. Le deuxième niveau, c'est Bulugh al-Maram. Troisième degré, c'est le Muntaqa. Et son interprétation est l'autar. Le Muntaqa, il est de Majd ibn Taymiyyah, le grand-père d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Et l'autar, c'est l'interprétation de l'imam Shoukani sur le Muntaqa. Il lisait aussi dans Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhim jami'an, et Nour al-Yaqin, qui est un résumé de l'Sira. Et aussi dans le Muwatta, et dans les sources de la Sunna, qui sont Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawood, et les autres. 1362 للهجرة وزع عليهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أجزاء الأمهات الموجودة في مكتبته وهي الصحيحين وسنن أبي داود وسنن النسائي والموطأ وموطأ الإمام مالك فقرأوا عليه فيها ولم يكملوها لأنهم تفرقوا بسبب القحط. يقولون 1362 الشيخ عبد الله القرعاوي لغا ديستريبيوي سيغتان سورس du hadith qu'il avait dans sa maktaba. Les authentiques, les sunan d'Abi Daoud, le sunan d'Yann Nasa'i, le muwatta de l'imam Malik, ils ont étudié sur lui dans ces livres-là. Mais ils ne les ont pas terminés parce qu'ils se sont séparés par la sécheresse. Et une énorme sécheresse, et ils se sont séparés. Wa fi 'am 1364 للهجرة عادوا فقرأوا عليه ثم أجازه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى برواية الأمهات الست. Et en l'an 1364, ils sont revenus aux études chez Cheikh Abdullah al-Qara'i رحمه الله تعالى. Ils ont étudié chez lui. Et Cheikh a donné l'autorisation, son autorisation, Cheikh Abdullah al-Bukhari a donné l'ijaza à Cheikh Ahmed ibn Yahya sur les six livres d'Yel Sunna. وفي عام 1369 درس على الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي رحمه الله قاضي صمت في ذلك الوقت كتاب إصلاح المجتمع وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفقه المرتب على صيغة السؤال والجواب واسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام. Et en l'an 1369, il a étudié sur Cheikh Ibrahim bin Mohammed Al-Ammoudi, rahimahullah, le juge de Samta, à cette époque, le livre Islah al-Mujtama. Comment remédier aux lacunes qu'il y a dans le Mujtama? Comment rééduquer le Mujtama, remettre le Mujtama, la société sur la bonne voie? Il a étudié sur lui aussi le livre du Cheikh Abdelrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, dont la jurisprudence qui est composée par questions-réponses, en forme de questions-réponses, et qui s'appelle l'orientation vers la connaissance des lois. كما درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي بأمر من الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى في النحو كتاب العوامل في النحو 100 وكتب أخرى في النحو والصرف إلى يتديو سي سور الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي d'origine somalienne par l'ordre qui lui a donné l'ordre d'étudier chez lui الشيخ عبد الله القرعاوي il a étudié chez lui des livres de au niveau de la grammaire et de la conjugaison. وفي عام 1384 حضر في حلق الشيخ في حلقة الشيخ الإمام العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى لمدة تقارب شهران في التفسير في تفسير ابن جرير الطبري بقراءة عبد العزيز الشلهوب كما حضر في العام نفسه في حلقة شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى لمدة شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري بين المغرب والعشاء. En 1384, il a assisté aux assises des enseignements de l'ancien mufti avant Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, qui est une éminence de science, qui est Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui descend directement de la lignée de Mohammed ibn Abdelwahab. Rahimahullah. Il a étudié chez lui pendant 2 mois. L'époque qui arrive à 2 mois. Il a étudié tafsir dial Qur'an, l'interprétation dial Qur'an directement de Ibn Jarir Tabari. Et celui qui lisait l'interprétation dial Ibn Jarir Tabari s'appelait Abdelaziz Shelhoub. Et en la même année, il a assisté au cours que donnait l'éminence Cheikh Mohamed Abdelaziz ibn Baz rahmatullah alayh pendant 1 mois et demi dans l'authentique d'Al Bukhari entre le Maghreb et l'Aïcha. Fashuyukhu hafidhahullah ta'ala mimma madha yatabayyin lana anna shuyukhu ala at-tartib at-tali. Al-Sheikh Ibrahim bin Mohammed al-Ammoudi qadi Samta fi hinih. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى الشيخ العلامة الداعي المجدد في جنوب المملكة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى وبه تخرج الشيخ أحمد فهو أكثر شيوخه إفادة له والشيخ عبد بن محمد عقيل النجمي والشيخ عثمان بن عثمان حملي والشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي والشيخ الإمام العلامة مفتي البلاد السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ يحيى فقيه عبس اليمني donc partant de là le mashaykh ديال les ceux chez qui il a appris Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi رحمه الله عليه dans l'ordre il vient ainsi comme ça il les a clashés Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى et le premier chez Cheikh Ibrahim bin Mohammed al-Ammoudi qui était le juge de Samta à l'époque. Et Cheikh Hafid bin Ahmed al-Hakami qui est une éminence. Rahimahullah ta'ala. Et Cheikh l'éminence qui a un petit peu renouvelé la da'wa salafia dans le sud de l'Arabie qui est Cheikh Abdullah al-Qarawi. Et ça c'est son Cheikh sur lequel il a le plus étudié. Il a été diplômé par ce shir, dans le langage contemporain, comme on dit. Donc c'est le shir avec lequel il est resté le plus, et il a appris le plus. Comme si on dit Cheikh Al-Utaymin avec Cheikh Saadi. Et tu dis plus, c'est Cheikh Al-Utaymin, son shir sur lequel il a travaillé, c'est Cheikh Saadi. Et la même chose pour Cheikh Ahmed bin Yahya, un Najmi, son shir sur lequel, avec lequel il a resté le plus de temps, lequel il a appris le plus, c'est Cheikh القرعاوي حفظه الله تعالى رحمة الله عليه وحفظ الله الشيخ أحمد Et le quatrième cheikh, c'est Cheikh Abdou bin Mohammed Aqil Najmi. Et le cinquième, Cheikh Othman bin Othman Hamli. Et le sixième, c'est Cheikh Ali bin Cheikh Othman Ziyad Somali, le Somalia. Et Cheikh l'Imam, le mufti à l'époque de l'Arabie Saoudite, qui est Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Yahya Faqih Absil Yamani, celui qui s'est sauvé à l'arrivée du Cheikh Abdallah qui s'est sauvé après le débat qu'il a eu avec Cheikh Abdallah al-Qaraoui. الآن يأتي رجل بهذه المتابة لابد أن له تلاميذ. هذه الآن تلاميذ الشيخ ولشيخنا يقول الشيخ محمد بن هادي ولشيخنا حفظه الله كثير وكثير من التلاميذ. مع أن الشيخ محمد بن هادي من تلاميذه ولشيخنا حفظه الله تعالى كثير وكثير من التلاميذ. فمن أمضى مثل هذه المدة في التدريس درس كثيرا مدة تقارب نصف القرن هذا عندما كتب الكتاب في سنة 1418 ونحو هذه 10 سنوات زيادة هون الآن 60 سنة في التدريس لأن الشيخ لا زال يدرس. كم يتصور أن يكون له من التلاميذ؟ ويقول الشيخ لو ذهبت أعددهم لاحتجت إلى مجلد ضخم وإنما أذكر نموذجا يستدل به على الباقين. عندي النوم كيا كيا سيت كيا سيت سيونس اكسترا اي كيا باسي بلو دو ان دومي سيكل ا انسيني ان دومي سيكل او مومون دو ليكريتور دي ليفر كي ايتي اكري او 1400 لا بروميير تبعا ايتي او 1418 اوني او 1428 دونك سا فو دير que la vie de l'enseignement du Cheikh, c'est 60 ans. Entre l'apprentissage et la science, il y a 60 ans. Donc, quelqu'un qui a toute cette vie, 60 ans de vie dans l'enseignement, combien d'élèves il doit avoir? Il a eu. Et Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali de nous dire, si je vais tous les compter, il me faut un gros volume. Il a dit, je vais citer certains exemples. Et ce qu'il cite te prouve le reste. الأول شيخنا العلامة المحدث ناصر السنة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي le premier fruit du الشيخ النجمي c'est الشيخ ربيع حفظه الله تعالى l'éminence du hadith l'éminence de la science ديال الجرح والتعديل celui qui porte les tendards de l'éloge et de la réfutation الشيخ ناصر c'est un fruit à الشيخ النجمي c'est un des élèves à الشيخ النجمي حفظه الله ثانيا et non des moindres شيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي. Et le deuxième, c'est une éminence. Il y a un puits de science. L'éminence jurisconsulte زيد بن محمد بن هادي المدخلي. Le troisième, ce n'est pas un moindre aussi, c'est une montagne aussi. شيخنا العالم الفاضل علي بن ناصر الفقيه حفظه الله تعالى. Et le troisième, c'est une référence aussi. Cheikh Nasr al-Faqihi, Hafidhahullah ta'ala. Ça, il suffit de citer ces trois-là. Parce que sinon, la liste va être longue. Mais il a cité, et trois, et ces trois-là te prouvent, la valeur de l'homme et la science qu'avait l'homme, ويقول الشيخ وإنما اكتفيت بذكر هؤلاء الثلاثة لشهرتهم في الأوساط العلمية فلا يعتب علينا أحد. الشيخ محمد بن هادي المدخلي يقول je me suis suffi de citer ces trois parce que leur réputation est grande dans les milieux scientifiques. Donc on ne fasse pas de reproches. دكاؤه وفقه الله تعالى. Maintenant il va nous parler de son intelligence. Que الله سبحانه وتعالى يتمتع الشيخ بدرجة من الذكاء عالية جدا وهاك قصة تدل على ذكائه وحافظته منذ صغره حفظه الله تعالى. يقول العم أي عم الشيخ محمد بن هادي الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي وفقه الله لما كان الشيخ أحمد يحضر مع عميه حسنا وحسينا النجميين إلى المدرسة السلفية بصمت، أي في عام 1359 للهجرة، وعمره آنذاك 13 سنة، كان يسمع الدروس التي يلقيها الشيخ عبد الله القرعاوي على تلاميذه الكبار، وكان يحفظها حفظا. اسمع احفظ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Et de nous dire, pour nous parler un petit peu, l'intelligence de Cheikh Ahmed, Cheikh va nous raconter une histoire que son oncle lui a racontée. Son oncle, qui est un Cheikh aussi, l'oncle dit le Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, est un Cheikh aussi. Il dit, l'oncle de Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, qui s'appelle Omar ibn Ahmed Jardi al-Madkhali, il dit, quand Cheikh Ahmed venait avec ses deux oncles, Hassan et Hussein, à l'école salafite de Samta, en l'an 1359, alors qu'il avait 13 ans, il écoutait les cours que donnait Cheikh Abdullah al-Qarawi à ses grands élèves. Il les mémorisait, mémorisation directe. Il entend, il mémorise. Et là, c'est l'un des bienfaits avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala couvre avec qui il veut. Qulto, ay Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. وهذا هو ما جعل الشيخ عبد الله القرعاوي يلحقه بحلقة الكبار الذي كان الشيخ يتولى تدريسهم بنفسه لأنه رأى نجابته وسرعة حفظه وذكائه. الشيخ محمد بن عادل المدخلي de nous dire ce qui a poussé الشيخ عبد الله القرعاوي à prendre le jeune de 13 ans et le prendre dans l'assise des grands. Cette assise, celui qui enseigne dans cette assise, c'est Cheikh Abdallah Al-Qarawi directement. Pourquoi c'est ? Il a vu cette intelligence, cette force de mémorisation, et il l'a accueilli, il l'a agréé parmi les grands. Wa amal al-Sheikh, amila Sheikhuna, hafidahu Allah, mudarrisan bimadar al-Sheikh Al-Qarawi, rahimahullah ta'ala, ihtisaban, wa indama. بدأت الوظائف عين مدرسا وعندما بدأت الوظائف عين مدرسا بقريته النجامية وكان ذلك في عام 1367 للهجرة وفي عام 1372 نقل إماما ومدرسا في قرية أبو سبيلة في بالحرة وفي عام 84 و1300 وفي الواحد من شهر واحد سنة 84 بالتحديد عندما فتح المعهد العلمي في صمت عين مدرسا به حتى عام 1384 حيث استقال من التدريس بالمعهد على أمل أن يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وسافر إليها لكن حصلت له ظروف حالت دون ذلك فعاد إلى المنطقة وكتب الله له التعيين واعظا مرشدا بوزارة العدل بمنطقة جازان فقام بالوعظ والإرشاد أحسن قيام في partie de maintenant الشيخ محمد نادي المدخلي va nous citer les activités et les fonctions qu'il a occupées Cheikh Ahmed, rahimahullah ta'ala. Dit notre Cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, a été enseignant dans les écoles du Cheikh Abdullah Al-Qarawi, dans les écoles de son Cheikh. Il l'a fait bénévole, en bénévolat. Prenez rien, prenez pas de salaire. Et quand les fonctions ont commencé, tu as eu la création de postes d'enseignants, etc., il a été désigné comme enseignant à Anjamia. Et ceci en l'an 1368, et ça a duré jusqu'en l'an 1372. Et après, il a été muté en tant qu'imam et enseignant dans le village de Abu Subayla, dans le Hurrat, dans une autre région. Et en l'an 74, en l'an 1374, et exactement le premier mois de cette année de l'Hégire, quand on a ouvert l'institut scientifique de Samta, il a été désigné comme enseignant dedans. Et il est resté à ce poste jusqu'au l'an 1384. Et là, il a posé sa démission de l'enseignement dans l'Institut de Samta, dans l'espoir d'aller enseigner à l'université de Médine. Et il a voyagé à Médine, il y a eu des situations qui ont fait qu'il est revenu chez lui. Et il a été désigné comme wa'id et comme orientateur au ministère de la Justice, dans la région de Jazan. Et il a accompli cette fonction très bien. Hein? ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون وبالتحديد في واحد من شهر سبعة عاد مدرسا بالمعهد العلمي بمدينة جازان حسب طلبه وفي ابتداء الدراسة عام ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون عاد إلى التدريس بمعهد صمتة وبقي به مدرسا حتى أحيل على التقاعد في يوم واحد من شهر سبعة سنة 1410 للهجرة. Et donc, en l'an 1387, et exactement le premier du mois, du septième mois de cette année, il est revenu en tant qu'enseignant à l'Institut scientifique de la ville de Jazan, selon sa demande. Il a demandé, il a été, on lui a donné le poste. Et au début de l'année 1389, il est revenu à l'enseignement dans l'Institut de Samta. Il a quitté Jazan pour Samta, là où il est actuellement. Et il est resté enseignant jusqu'à ce qu'il ait pris sa retraite. Et il a pris sa retraite le premier du septième mois de l'année 1410. Mais il n'a pas pris sa retraite pour aller à se dorer au soleil. Il a pris sa retraite de la fonction. Mais il a continué à enseigner. Hein? ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطر وهو مشتغل بالتدريس في بيته والمسجد المجاور له ومساجد أخرى في المنطقة في دروس أسبوعية مع القيام بأمر الفتوى. Et Cheikh de nous dire que depuis qu'il a écrit ses lignes et que Cheikh Yahya, il enseigne toujours à sa maison, dans la mosquée qui est proche de lui et dans les mosquées de la région, hein, et dans des cours qu'il donne qui sont organisés sur la semaine, et il accomplit aussi le devoir de fatwa. Il répond aux questions des gens dans le sud. Beaucoup de questions lui viennent du Yémen, beaucoup de questions lui, hein, d'Europe, d'Égypte, du Maroc, de partout les gens l'appellent. Hein. Donc, la retraite en réalité c'est juste de la fonction publique. Parce que le régime fait qu'à un certain âge, mais en réalité l'enseignement, il continue à enseigner. Hafidhahullah ta'ala. Jusqu'à nos jours. Et il a un site. Hein, il y a des cours qui sont organisés aussi sur Paltalk toutes les semaines, avec un programme. Il dit, dans tout ça, Cheikh Ahmed, il a mis en application l'ordre et le conseil que lui a donné son Cheikh, qui est le fait de continuer à enseigner et de préserver ceux qui apprennent avec lui, ses élèves, hein, et de s'occuper d'eux, et surtout les immigrés parmi eux, ceux qui sont étrangers à la région, et qui, ceux qui sont loin de chez eux, etc. Et Cheikh de nous dire que pour cela, il a une grande patience, une grande disponibilité, une disponibilité extraordinaire. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. وقد عمل أيضا بوصية شيخه القرعاوي رحمه الله تعالى فواصل الدراسة والبحوث والاستفادة وخاصة في علمي الحديث والفقه وأصولهما حتى فاق أقرانه وأصبح له في ذلك اليد الطولى بارك الله في عمره وعلمه ونفع بجهوده آمين. Et à côté de ça aussi, il a aussi mis en application le conseil de son cheikh Al-Qarawi, rahmatullahi alayh, et il a continué à apprendre et à continuer ses recherches, hein, surtout dans la science du hadith et dans la jurisprudence et dans leurs fondements, hein, jusqu'à ce qu'il ait, il a été élevé dans la science par rapport à ses contemporains. Et il a la main longue dans la science. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse sa vie et que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Hein? فيقول الشيخ حفظه الله تعالى آثاره العلمية. Donc il va nous citer l'héritage qu'il nous laisse. L'héritage qu'il nous laisse. فيقول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى لشيخنا حفظه الله آثار علمية كثيرة بعضها طبع وبعضها لم يطبع نسأل الله تعالى أن ييسر طبعه حتى يحصل الانتفاع به ومن ذلك أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة وتأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام طبع منه جزء صغير جدا هذا كتبه الشيخ منذ 10 سنوات وإلا فتأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام كمل الآن وهو في 5 أجزاء وهو موجود الآن حتى في أوروبا عندكم هنا موجود كذلك تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة ورسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد ورسالة في حكم الجهر بالبسملة وفتح الرب الودود في الفتاوى والردود وهو في مجلدين إلى عد الساعة والمورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال وهذا هو الذي سنتدارسه وغير ذلك من المؤلفات النافعة التي قدمها للمسلمين جزاه الله خير الجزاء فموجود على الساحة شرح السنة للبربهاري له وموجود على الساحة شرح مبسط لكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكثير من الرسائل الآن للشيخ طبيعت وموجودة عندكم هنا دونك l'héritage que nous laisse Cheikh maintenant Cheikh Mohamed Nadil Madkhali va nous parler de l'héritage que nous laisse Cheikh Yahya Ahmed ibn Yahya al-Najmi hafidhahullah ta'ala et il dit notre Cheikh a écrit beaucoup il y a des livres qui ont été édités et d'autres qui n'ont pas été édités que Allah subhanahu wa ta'ala facilite leur édition ceci a été écrit il y a 10 ans parmi les livres qui ont été écrits un livre où il fait la réplique à celui qui a autorisé certaines visites qui sont interdites. Et aussi, Ta'sis al-Ahkam, qui est une interprétation de Umdat al-Ahkam. À l'époque où il l'a écrit, où Cheikh Mohamed Nad al-Madkhali a écrit cette biographie, il n'y avait qu'un volume qui existait. Maintenant, le livre, il est terminé complètement en 5 tomes. Et il existe. Vous pouvez le trouver même ici en Europe, et ici à Bruxelles. Aussi un livre qui... un épître qui nous donne les preuves comme quoi les chansons sont interdites. Hein? Il y a un livre qui nous montre les règles du jihad et la vérité sur le jihad. Hein? Il y a un livre sur le fait de dire le basmala dans Salah en haute voix ou là à basse voix, hein? Qui est une petite risala aussi. Et un livre dont le fatawa et dont le redoud et dont la réplique qui est en 2 tomes et je crois qu'il va continuer. Là, c'est les 2 tomes qui existent actuellement et je crois qu'il y a d'autres tomes qui arrivent. Et le livre que nous étudions maintenant, qui est la source abondante, hein, la source douce et abondante dans la critique de certaines voies dans le dawa et dans certaines croyances et certains actes. Et d'autres livres existent sur le marché maintenant en langue arabe, que ce soit l'interprétation des livres d'El Tawhid, certains Sharh Sunnah al-Barbahari aussi existent du Cheikh, et d'autres. Et tout ceci maintenant, alhamdulillah, il existe. On peut profiter de la science d'El Cheikh. Fa'ilaykum l'an, t'qrid fadilat Cheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يقول سماحته وحفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ والأخ الكريم أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ووفقه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قرأت مؤلفكم القيم المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال فوجدته كتابا قيما مفيدا في موضوعه تمس الحاجة إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحزبيات والجماعات التي تتسمى مع الأسف باسم الدعوة إلى الإسلام ومعلوم أنه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة ومنهج واحد maintenant je vous lis directement les éloges qu'a fait Cheikh son éminence Cheikh Salih Ben Fawzan Al-Fawzan qui est l'un des membres de l'assise des grands savants hein? il dit au nom d'Allah le clément miséricordieux, en adressant la lettre à Cheikh Najmi, Fadilatu Cheikh, et le noble frère Ahmed ibn Yahya Najmi, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, etc. Il fait le dua. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit après, j'ai lu votre noble livre. On parle de ce livre que nous allons étudier. Al-Mawrid, la source douce et abondante dans ce qui est dans les critiques sur certains voies de da'wa et des croyances, et certaines critiques sur les croyances et sur les actes. Et je l'ai trouvé un livre bénéfique. Je l'ai trouvé un livre bénéfique. C'est pas l'encensé des coins qui parle. C'est Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Écoute bien. Fawajadtuhu kitaban qayyiman. Et je l'ai trouvé un noble livre. Wa mufidan fi mawdu'i. Et bénéfique à son sujet. Hein? On ne peut reconnaître la valeur d'une chose qu'au par les spécialistes de la chose. Hein? Et nous avons besoin de ce livre. Le besoin s'en ressent de ce livre. À notre époque. À notre époque où les groupes sont devenus nombreux, et les hizbs sont devenus nombreux, et les groupes qui prétendent être faire la da'wa vers l'islam et au nom de l'islam, etc., sont, alors qu'ils sont en divergence avec l'islam. Et dans l'islam, il n'y a qu'un seul groupe et une seule voie. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous voit par cette introduction, ce premier paragraphe de cet éloge, qu'il fait l'éloge du livre. Et qu'il dit, qu'il attire l'attention comme quoi on a besoin de ce livre. Parce que sur le terrain, il y a trop de groupes, trop de partis, trop de groupes qui appellent à leurs principes fondamentaux et qui appellent à leur idéologie. Hein? Et qui prétendent faire tout ça pour la da'wa vers l'islam. Et cher de dire à la fin de ça, mais dans l'islam, il n'y a qu'un seul groupe. Il n'y a qu'une seule voix, une voix unique. فيقول حفظه الله تعالى هي جماعة أهل السنة ومنهج واحد ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصفهم صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجماعات والفرق المخالفة بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيقول حفظه الله تعالى فليس لنا إلا جماعة واحدة هي جماعة أهل السنة ومنهج واحد ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وإمام واحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعترف بغير ذلك من الجماعات والمناهج والقادة وكتابكم حفظكم الله واف في بيان الحق ورد الباطل في هذا الموضوع فجزاكم الله خيرا على ما قمتم به وتقومون به من بيان الحق ورد الباطل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخوكم في الله صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان تاريخ 27 11 سنة 1414 للهجرة فانظر هذا الكلام يقول وكتابكم حفظكم الله واف في بيان الحق ورد الباطل في هذا الموضوع والقائل من؟ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Donc il dit un seul groupe qui existe, une seule voix qui existe, c'est la voix, c'est le groupe d'Al Sunna. Une seule voix, une voix unique, c'est la voix de Muhammad عليه الصلاة والسلام et de ses compagnons. Comme les a décrit le Rasoul صلى الله عليه وسلم. Quand il a parlé des groupes, il a dit, nous avons, nous n'avons qu'un seul groupe. C'est le groupe des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et une seule voix, c'est la voix de Muhammad alayhi sallatu wasalam. Et un seul imam, et unique imam, c'est Muhammad alayhi sallatu wasalam. Ils ne reconnaissent pas d'autres voix que celle-ci. Et il a cité la parole du prophète alayhi sallatu wasalam. Quand il a parlé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a désigné les groupes et il a dit pour le groupe sauvé ou la faction sauvée, ceux qui sont sur la même voie que moi et mon compagnon aujourd'hui. C'est le seul groupe. Et la seule voie unique, et la seule voie de la vérité, c'est celle-ci. La voie de Mohammed A.S. et de ses compagnons. C'est la voie de la faction sauvée. Il est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Hein? Et donc, il dit, nous avons qu'un seul imam qui est Mohammed A.S. Une seule jama'a, c'est celle qui marche sur cette voie, sur la voie des puiseurs d'Allah A.S. Et tous ces groupes, et tous ces voies, on ne les reconnaît pas. Et tous ces leaders de ces groupes et de ces voix, on ne les reconnaît pas. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, votre livre est venu. Il est complet dans le fait de montrer la vérité et d'attirer l'attention sur la vérité et de refuter le faux à ce sujet. Regardez ce qu'il dit. Votre livre, il est complet. Il montre la vérité, il refute le faux à ce sujet, c'est-à-dire au sujet des groupes. Et au sujet des voix qui est sur le terrain maintenant et qui prétendent appeler vers l'islam. Et lui fait un dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, etc. Et après avoir fait la prière sur le prophète alayhi salatu wasalam, il signe et il date. Hein? Il dit, votre frère en Allah, Salih bin Fawzan, bin Abdullah al-Fawzan, la date du 27 du mois 11 de l'an de l'Hijr 1414. شال باقي المور فهنا تقريض اخر دونك لا نو سون باسي افيك لي زيلوج كا فيت شيخ الفوزان ا سو ليفر maintenant nous passons au à la deuxième éloge non des moindres qui est celle de شيخ ربيع حفظه الله تعالى. هذا تقريض فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي العمير المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ورئيس قسم السنة بها سابقا وزيد على هذا وحامل لواء الجرح والتعديل في هذه الأزمان بشهادة أسد السنة وإمامها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وبشهادة أئمة هذا الدين في هذا العصر الشيخ ابن باز والشيخ العتيمين وغيرهم والشيخ مقبل وغيرهم رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء ورغم أنف أعداء الشيخ فيقول حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة جازان الشيخ أحمد يحيى النجمي في كتابه الفذ المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال فلقد أجاد شيخنا وأفاد وأصاب البدع والحزبيات والفتن في مقاتلها وبين مخالفتها للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في العقائد والعبادات. Et l'éloge du Cheikh, la deuxième éloge qui n'ont pas de moindre, qui est celle de l'éminence, Dr. Rabi' ibn Hadi, Umair al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qui était un ancien enseignant à l'université de Médine, et qui était l'ancien responsable de la section de la Sunna à Médine, et qui est aussi, tu peux rajouter ce titre, hein, celui qui porte l'étendard de la critique et de l'éloge à notre siècle. Et ce titre, il lui a été donné par le lion de la Sunna et la montagne de science, qui est Cheikh Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh, comme La même désignation lui a été faite par Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh, et par Cheikh Al-Uthaymin, hafidhahullah ta'ala, et par Cheikh Muqbil et d'autres, qu'on déplaise aux hizbites, qu'on déplaise aux frères musulmans, ou aux tkfiris, ou aux tbliris. Peu importe, leur parole ne pèse rien dans la balance, et devant la parole d'un imam, comme Cheikh Nasr, rahmatullahi alayh, ou Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Al-Uthaymin, ou Cheikh Muqbil. Il dit après la louange à Allah Azza wa Jal, جي hein survolé votre livre et j'ai vu j'ai lu plutôt ce qu'a écrit notre cheikh l'éminence hein, qui porte l'étendard du hadith et du monothéisme et de la sunna dans la région du Zazan à cheikh Ahmed Yahya Najmi dans son livre unique du Fed unique le fait dont, en général, en langue arabe, on l'appelle pour attirer l'attention sur quelque chose de très important. Il a utilisé le terme le fait pour attirer notre attention que ce livre est quelque chose de particulier. Qui porte le titre La source douce et abondante dans les critiques dans la critique de certaines voies dans le dawa et dans les croyances et dans les actes. Et il a dit notre shir a été excellent dans cette critique. Et il a touché le vrai, et il a touché les innovations et les hizbites, hein, et il a touché les points de la perturbation à leur source. Et il a montré leur divergence avec le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, il a voilé plusieurs d'Allah alayhim, que ce soit dans les croyances ou là dans les adorations. C'est le témoignage de Cheikh Rabi' Hafidhahullah ta'ala. فيقول حفظه الله تعالى لقد صدر كتابه النافع بخمسة أبواب بين في الأول منها الحكمة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها وساق الأدلة والبراهين على ذلك. Il dit, il a commencé son livre par cinq chapitres qui sont bénéfiques. Le premier chapitre, le titre c'est la sagesse pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains. Et il a ramené les preuves pour ça. وقال حفظه الله تعالى ووضح في الباب الثاني معنى العبادة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها وكلفهم القيام بها. Et dans le deuxième chapitre, il nous a éclairé sur le sens. Il a éclairé sur le sens de la divination, de l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les génies et les humains. Et il a fait que ce soit leur devoir et qu'ils accomplissent ces adorations. وفي الباب الثالث بين فيه أن الرسل هم الهداة إلى الله ومرضاته وجناته. Et au troisième chapitre, il dit, Habdallah Ta'ala, qui nous a montré que les messagers, alayhi salatu wasalam, ce sont eux qui guident vers Allah et qui guident vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal et vers les paradis d'Allah Azza wa Jal. وفي الباب الرابع بين أن السبب الأعظم بل السبب الأوحد للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأساق الأدلة على ذلك. Et dans le quatrième chapitre, il dit, il nous a montré les causes principales et la cause principale, la seule cause qui va nous sauver du châtiment d'Allah Azza wa Jal et de la colère d'Allah Azza wa Jal, il va nous faire prévaloir de gagner le paradis et de gagner l'agrément d'Allah Azza wa Jal qui le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et d'obéir à son messager alayhi salatu wasalam, et il a ramené les preuves pour tout ça dans ce sens. وفي الباب الخامس بين منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن دعوتهم تقوم على ثلاثة أسس التوحيد الميعاد وهو الإيمان المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر وما حواه من بعث وجزاء وجنة ونار ثالث الإيمان بالرسالة السماوية. Il dit, et le cinquième chapitre, il nous a montré la voie du messager alayhi salatu wassalam. Et que la voie du messager alayhi salatu wassalam s'est accomplie sur trois points principaux, sur trois piliers principaux. À savoir le monothéisme. À savoir le fait de croire en le jour du jugement et tout ce qui s'ensuit, la résurrection, hein, le paradis, l'enfer, etc. Et troisième pilier, le fait de croire en les messagers, en leur message. Allez, Moussalatu Salam. فيقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى مهد شيخنا بهذه الأبواب المهمة التي تضمنت تلكم الأصول الضرورية ليقول للمخدوعين بالبدع والطراهات وقادتها هذا هو الدين الحق، وهذا هو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، وهذه أصوله الضرورية التي يجب الإيمان بها واتباع حملة رايتها، وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أما قادة البدع والضلالات المخالفون لما جاء به الرسل من العقائد والمناهج والأصول والعبادات فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه في النار. وهذه حقائق واضحة ناصعة لا يماري فيها ويحيد عنها إلا من أضله الله وغضب عليه وطبع على قلبه. الشيخ ربيع de nous dire que notre cheikh, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Najmi حفظه الله تعالى جميعا, a fait cette introduction avec ces chapitres importants qui contient des fondements obligatoires pour dire à ceux qui se font avoir par les innovations et par les histoires à dormir debout et par les guides de ces groupes innovés, hein, que la vérité, il est là, que ça, c'est la religion vraie, elle est là, elle est dans ces trois principes. Et que ça, c'est la voie de la vérité qu'il faut suivre, et que ces fondements sont obligatoires, et que ces fondements, il faut croire en ces fondements, et il faut suivre ceux qui portent l'étendard de ces fondements, qui sont les prophètes, alayhi salatu wassalam. Quant aux chefs de groupe, aux chefs de l'innovation et aux chefs de l'égarement qui sont en divergence avec ce qu'ont transmis les prophètes alayhi salatu wassalam, dans les croyances, dans la voie, dans les fondements, dans les adorations, ceux-là, ce sont des prêcheurs sur les portes du Jahannam. Celui qui leur répond, il le jette dans le feu. Et il dit ça, ce sont des réalités claires, qu'il ne faut pas se détourner de ces réalités. Car celui qui esquive ces réalités, n'esquive ces réalités que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, que celui qui a reçu la colère d'Allah azza wa jal, que celui sur lequel duquel Allah subhanahu wa ta'ala a mis un sceau. ثم بعد بيان هذه الأمور العظيمة والأصول الكريمة دلف إلى الغاية التي شمر عن ساعد الجد للنهوض بها، ألا وهو نقد الأباطيل والخرافات والضلالات التي انخدع ببريقها الكاذب كثير من شباب بلاد التوحيد والسنة، إذ أطفأوا مصابيح الهدى والنور وآتلوا السير في سبل الشيطان وطرق الضلال والظلام الحالك، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. دونك Après que Cheikh Rabi' de nous dire, après que Cheikh Ahmed nous a éclairé sur ces énormes sujets et ses fondements de principe et ses nobles fondements, il est allé au but pour lequel il a retroussé ses manches, qui est le fait de critiquer toutes ces fausseries, tous ces égarements et de montrer le faux dans ses voies et le faux dans les paroles de ces hommes de l'innovation et de ceux qui appellent à l'innovation, ces voix qui ont attiré par leurs mensonges et par leurs paroles clinquantes, beaucoup de jeunes du pays du monothéisme et de la sunna qui est l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Alors que l'Arabie Saoudite, c'est le pays où tu comptes le plus de savants au mètre carré. Alors ici, cherche un savon sur 100 km carrés. 100 km carrés, va me le trouver. Regarde. Et donc, si la situation est ainsi pour les jeunes qui sont nés dans le monothéisme et dans un pays où ils sont, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Qui sont enterrés que des gens de la logique, la politique, le social, la raison. Mais l'intérêt veut que ce soit comme ça, et tatati, et batati, et batata. Qu'est-ce qu'il en est de nous? C'est eux, ils se sont fait tirer. Ils sont tombés dans le filet de ces loups. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Hein? Ces têtes de l'égarement ont, comme il a dit cher ici, fait éteindre la lumière de la guidée. Ces jeunes qui ont suivi ces têtes de l'égarement ont préféré d'aller sur le chemin d'El Shaitan et sur le chemin de l'égarement et sur le chemin des ténèbres que de rester sur la guidée et sur la lumière. Il cite un verset du Coran qui dit, ce verset citation, sa signification approximative nous dit ceci, comme celui que Shaitan lui a embelli. Ses passions, il l'a tiré avec ses passions sur terre, il marche sur terre, il est dans le doute. Et il a des amis qui l'appellent vers la guidée, viens vers nous. Et lui, il est dans l'hésitation. Il ne sait plus. Regarde combien de jeunes, maintenant, ils sont dans l'hésitation. Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus. Avec ces ambiguïtés que jettent ces gens de l'égarement, etc. Et avec ces paroles clinquantes, et avec ce beau langage, soi-disant, etc. « Faire le cheikh, ba'da dalik al-idah shafi » نفذ إلى كشف عوار الباطل وبيان زيفه في سبعة أبواب. Il dit après cet éclaircissement clair et complet, il est allé à dévoiler le faux dans sept chapitres. Dans sept chapitres. Donc les cinq premiers chapitres sont quelque chose pour nous au sol, les fondements. Et les sept derniers chapitres va être que la critique sur tout le reste. فَلَعَلَّنَا نَقِفَ عِنْدَ الْقَدْرِ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بارك الله فيكم أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. On se retrouve après صلاة العشاء إن شاء الله.